بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. Continue l'explication du livre Lum'atu l'i'tiqad al-hadi ila sabil al-rashad, un livre sur le dogme islamique de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, avec l'explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc durant le cours dernier, on avait parlé des mérites du Coran et que c'était un livre qui comportait que la vérité, et c'est un livre inimitable, et Allah subhanahu wa ta'ala a défié quiconque d'apporter 10 sourates semblables à celles dans le Coran, et Allah azza wa jal a même défié ceux qui ne croyaient pas en lui, subhanahu wa ta'ala, d'apporter ne serait-ce qu'une seule sourate semblable à celle du Coran. Et Allah azza wa jal a affirmé qu'ils n'étaient pas capables d'apporter cela et qu'ils n'en seront jamais capables. Ils n'en seront jamais capables, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, et si vous ne faites pas, وَلَمْ تَفْعَلُوا, et vous ne ferez pas. On s'est arrêté ici. ثم قال الشيخ الفوزان هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة وتحد قائم ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم والبشر كلهم الجن والإنس على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن، فهذا برهان واضح أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. Donc Allah عز وجل dit ولم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Si vous ne faites pas, c'est-à-dire si vous n'apportez pas une sourate similaire à celle du Coran, et vous ne ferez pas. Ceci, Allah Azza wa Jal parle de l'avenir, et ceci jusqu'à ce que l'heure arrive, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas. Et le défi d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours présent jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal défie jusqu'à aujourd'hui, et ceci jusqu'à la fin des temps, quiconque parmi les djinns ou les humains d'apporter l'équivalent ou le semblable à la plus petite des sourates du Coran, comme Inna a'tainaka al-kawthar ou comme Idha ja'a nasrullah, Allah Azza wa Jalla les défie. Et il leur dit, et si vous ne faites pas, et vous ne ferez pas, alors craignez, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Alors craignez un feu, c'est-à-dire le feu de l'enfer, dont le combustible sera les hommes et les pierres. U'iddat lil kafirin. C'est un enfer qui a été préparé pour les non-musulmans. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc ceci est une preuve claire, évidente, que le Coran est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une révélation qui provient du sage et de celui qui mérite d'être loué, et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que personne ne peut imiter. ثم قال المؤلف وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن هذا من جملة مقالتهم فهم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه هذا من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. Puis l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi a dit, et ceci est le livre arabe, c'est-à-dire écrit en langue arabe, c'est-à-dire le Coran, un livre sur lequel disent ceux qui ont mécru, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans Sourate Saba, le verset 31, ils disent لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ, nous ne croirons jamais en ce Coran. Et Cheikh Fawzan dit, ceci fait partie de leurs paroles. C'est-à-dire que cela fait partie de quelques-unes de leurs paroles. Mais ceux qui ont mécru disent des paroles beaucoup plus graves et beaucoup plus osées. Ils disent, nous ne croirons jamais en ce Coran, ni à ce qui l'a précédé. C'est-à-dire ni au Coran, ni à tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala qui ont précédé le Coran. Et ceci, ils le disent par orgueil et par mépris envers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال المؤلف وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال سبحانه سأصليه سقر et d'autres ont dit comme l'a dit le même Qudam al-Maqdisi إن هذا إلا قول البشر ce n'est que la parole d'un humain et Allah subhanahu wa ta'ala a dit سأصليه سقر je vais le brûler dans le feu intense c'est-à-dire السقر qui est un des noms de l'enfer. Donc Allah Azza wa Jalla a répondu à cette personne qui fait partie des polythéistes qui a dit que ce Coran ne fait partie ou n'est que la parole d'un être humain. Allah Azza wa Jalla lui a répondu dans le verset qui suit Sa'uslihi saqar, je le ferai entrer en enfer dans le feu intense. Qala Sheikh al-Fawzan, qala ba'duhum wa huwa al-Walid ibn al-Mughir al-Makhzumi. من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قال إن هذا إلا قول البشر قال الله جل وعلا متوعدا له سأصليه سقر وهي جهنم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وأنه من كلام الله وهو قد اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه فإنه تظاهر أمامهم فقال إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالى فيه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني القرآن إن هذا إلا قول البشر. Cheikh Al-Fawzan dit celui qui a dit cette parole, c'est-à-dire ce n'est là que la parole d'un être humain, c'est Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, qui faisait partie des ennemis jurés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui ont le plus offensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Il a dit ce n'est là que la parole d'un être humain, en parlant du Coran. Et Allah Azza wa Jal a répondu et l'a mis en garde et lui a promis un châtiment lorsqu'il a dit je le ferai entrer dans le saqar qui est le feu intense, qui est le feu de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرُ et qui te dira ce qu'est saqar. La tubqi wa la talar. C'est-à-dire que Saqar ne laisse rien et n'épargne rien. Ne laisse rien, c'est-à-dire qu'après avoir brûlé, il ne laissera rien de cette chose qu'il a brûlée. Et n'épargnera rien, c'est-à-dire qu'il n'épargnera aucune partie du corps, que ce soit de la chair, des os, des articulations. Lorsque le feu de Saqar brûle un être humain, il n'en reste rien et il n'épargne rien, wal'iyadu billah, et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala redonnera à cette personne qui a été châtiée une nouvelle peau afin qu'il ressente la douleur, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara, ceux qui ont mécru en nos signes, nous les ferons entrer en enfer. Kullama إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. À chaque fois que leur peau sera consumée par le feu de l'enfer, nous leur donnerons une nouvelle peau afin qu'ils goûtent au supplice. ليذوقوا العذاب. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal lui a promis ce châtiment Car il a dit cette parole, c'est-à-dire Al-Walid ibn Al-Mughira, a dit cette parole tout en sachant que le Coran n'est pas la parole d'un être humain, que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a lui-même avoué que le Coran ne pouvait émaner ou ne pouvait être la parole d'un être humain. Mais lorsqu'il a vu le comportement de son peuple changer à son égard et qu'il commençait à le critiquer, alors il s'est montré devant eux et a dit « Ce n'est que la parole d'un être humain ». Allah Azza wa Jalla a dit en parlant de Al-Walid ibn Al-Mughira, dans Surat Al-Muddassir, Allah Azza wa Jalla parle de Al-Walid ibn Al-Mughira à partir du verset 11. Il dit « Innahu fakkara wa qaddar ». Il a réfléchi et il a décidé. C'est-à-dire que Al-Walid ibn Al-Mughira réfléchissait à ce qu'il allait dire à son peuple pour que sa légitimité soit maintenue. Il a réfléchi et il a décidé. Et Allah Azza wa Jalla dit « فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ » Qu'il périsse comme il a décidé. Puis il a dit Allah Azza wa Jalla « ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ » Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. « ثُمَّ نَظَرَ » Puis il a regardé, c'est-à-dire son peuple. « ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ » Et il s'est renfrogné et a durci son visage. « ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ » Puis il s'est retourné, a tourné son dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit « ثُمَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ » Ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est que magie apprise. « إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ » Ce n'est que la parole d'un être humain. « وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ شِعْرٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ » Et d'autres, comme l'a dit l'imam al-Qudama, et d'autres ont dit que c'est de la poésie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette accusation dans Surat Yassin, le verset 69, où Allah Azza wa Jalla dit « Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et cela ne lui appartient pas. Ce n'est qu'un rappel et une lecture du Coran clair. » قال الشيخ الفوزان بعضهم قال هذا القرآن شعر والله جل وعلا نفى ذلك وقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وقال وما علمناه الشعر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا عرف عنه أنه شاعر ولا أنه يقول الشعر فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر هذا من الكذب الواضح. Certains ont dit que le Coran n'est que poésie. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Haqqa, et ce n'est pas la parole d'un poète, très peu croient. Et Allah Azza wa Jal dit dans l'autre verset de Sourate Yassin, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرِ Nous ne lui avons pas appris la poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était donc pas un poète. Il n'était pas connu comme étant poète, ni comme une personne qui disait des poèmes. Comment ce Coran peut-il être un poème alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un poète? Ceci est un mensonge évident. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شاعر. الإمام القدامى المقدسي يدين لأسك الله عز وجل أنية que le Coran était une poésie et qu'il a attesté que c'était le Coran émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne reste plus donc de doute. Pour celui qui est doué de raison, pour celui qui est doué d'intelligence, que le Coran est ce livre en arabe qui est composé de phrases, de lettres et de versets. قال الشيخ الفوزان لم يبق شبهة لذي لب يعني لذي عقل أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره وأما جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه فإنما هو كلام الله جل وعلا يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه. Il ne reste donc plus de doute pour celui doué de raison que le Coran est la parole d'Allah, non la parole d'autre qu'Allah, et que Jibril alayhi salam ainsi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'ensemble de la communauté, lorsqu'ils lisent le Coran ou l'écrivent ou l'apprennent, ils lisent, écrivent et apprennent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Ibn Qudam al-Baqdisi a dit, et Allah Azza wa Jalla a dit, et si vous êtes dans le doute, et si vous avez un doute dans ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors apportez une sourate similaire. قال الشيخ الفوزان وإن كنتم في ريب إن كنتم أيها الكفار في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم نزلنا عليه القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله فاستعينوا بمن شئتم ليشهدوا معكم ويعينوكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر فإن لم تفعلوا أي لن تقدروا على الإتيان بسورة ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد آيات الله جل وعلا وجادل فيه. Si vous êtes dans le doute, c'est-à-dire vous, les non-musulmans, si vous êtes dans le doute de ce que nous avons révélé à notre serviteur, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, apportez donc une sourate similaire et appelez vos témoins en dehors d'Allah. C'est-à-dire, prenez l'aide de qui vous voulez et le témoignage de ceux que vous aurez choisis, si vous êtes véridique, c'est-à-dire si le fait que le Coran est la parole d'un être humain est vrai pour vous, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا. Si vous ne faites pas, c'est-à-dire si vous n'apportez pas une sourate similaire, et vous ne pourrez pas, c'est-à-dire dans le futur et ceci jusqu'à la fin des temps, sachez alors que c'est la parole d'Allah et que vous avez menti à l'égard d'Allah et à l'égard de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Craignez alors un feu dont le combustible seront les gens et les pierres qui a été préparé aux non-musulmans, car ceci est la récompense de tous ceux qui méprisent, de tous ceux qui s'enorgueillent et nient les signes d'Allah et polémiquent à ce sujet. ثم قال ابن قدام المقدسي ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى وما هو ولا يعقل. ابن قدام المقدسي dit, et Allah عز وجل ne peut pas ou il n'appartient pas à Allah de défier les non-musulmans et d'apporter quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Allah Azza wa Jal s'est adressé aux non-musulmans. Il leur a dit d'apporter une sourate similaire à une sourate du Coran. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé quelque chose d'impossible? Est-ce qu'il leur a demandé quelque chose d'impossible? Oui. Dans le sens, est-ce que la demande d'Allah est difficile ou est-ce qu'elle est impossible à réaliser? Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que c'est potentiellement possible. Mais ils n'y arriveront pas. Car ils ne peuvent pas imiter la parole d'Allah. Mais ce que Allah Azza wa Jal leur demande dans ce défi, c'est d'apporter des phrases, des lettres, des mots? Est-ce qu'ils sont incapables d'apporter des phrases, des lettres et des mots? Non. Ils sont dans leur capacité. Donc Allah Azza wa Jalla ne leur demande pas quelque chose d'impossible en soi. C'est quelque chose de tout à fait faisable, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Donc Allah Azza wa Jalla ne leur demande pas une chose impossible, il leur demande quelque chose de simple. Apporter des lettres, des mots, des phrases qui ressemblent aux versets du Coran. Tout le monde connaît les lettres, tout le monde sait faire des mots, des phrases. C'est quelque chose de tout à fait de faisable, potentiellement. قال الشيخ الفوزان ما تحداهم الله إلا بشيء من جنس كلامهم حروف وكلمات وجمل من جنس كلامهم. Allah عز وجل les a défiés, ne les a défiés que dans ce qui fait partie de leur langue, des lettres, des phrases, des mots qui font partie de leur langue. يعرفون معاني, dont ils connaissent l'essence. ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحاء. Mieux encore, Allah Azza wa Jalla a défié les polythéistes à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui faisaient partie des Arabes les plus éloquents. C'était les Arabes de Quraysh qui maîtrisaient le mieux la langue arabe. Donc Allah Azza wa Jalla les a défiés dans une chose qu'ils maîtrisaient le plus au monde. فهو تحداهم بأن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم بما هو من كلامهم. الله عز وجل les a donc défiés d'apporter ce qui ressemblerait au Coran en leur langue, à eux, celle qu'ils maîtrisent le mieux. لن يتحداهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على الكلمات التي يتخاطبون بها أو بشيء لا يعلمون معناه. Allah عز وجل ne les a pas défiés sur quelque chose dont ils ne connaissent pas les lettres, ou une chose dont ils ne connaissent pas les mots, ou une chose dont ils ne connaissent pas le sens. هو كلام عربي فصيح. Allah عز وجل les a défiés d'apporter quelque chose en langue arabe éloquente. تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعانيه معروفة لديهم لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. Allah عز وجل les a défiés que dans ce qu'ils peuvent apporter dans une langue qu'ils parlent tous les jours. C'est leur langue maternelle. قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait descendre un livre, il le fait descendre selon la langue du peuple qui doit être averti. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Shu'ara, Sourate les poètes, versets 198 et 199, si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des noms arabes et que celui-ci le leur eût été récité, il n'y aurait pas cru. Si Allah Azza wa Jalla avait fait descendre le Coran en arabe sur un peuple non arabe, est-ce qu'ils auraient cru en ce livre? Non. Ils n'y auraient pas cru tout simplement parce qu'ils ne le comprendraient pas. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Fussilat, le verset 44, « Et si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Un Coran non arabe et un messager arabe? Et si le Coran avait été révélé en une autre langue que l'arabe, et que le professeur Hassan aurait été arabe, ils auraient dit, pourquoi est-ce que tu nous apportes un livre qui n'est pas en langue arabe avec un prophète arabe? » Dans tous les cas, ils ont quelque chose à dire. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran en langue arabe et avec a révélé le Coran en langue arabe à un peuple arabe avec un prophète arabe parmi eux. Parmi eux, ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est un homme de leur tribu. Et qui fait même partie qui fait partie de, et c'est quelqu'un d'onaseb, c'est quelqu'un qui a comment dire, qui a un rang, non, qui a un rang chez les Quraysh, d'accord, et c'est une personne qui a vécu 40 années avec eux, et il savait que le professeur sallam ne savait ni lire ni écrire, et il savait que le professeur sallam n'avait jamais voyagé pour apprendre, car il était parmi eux. Et pendant 40 années, le professeur sallam ne les a jamais, ne leur a jamais parlé ni du Coran ni d'autre chose, ne s'est jamais prétendu prophète. كيف ينزل قرآن أعجمي على نبي عربي والله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Donc Allah عز وجل par sa sagesse a révélé le Coran dans la langue de son prophète et dans la langue du peuple qu'il allait appeler et vers lequel il a été envoyé. Et Allah Azza wa Jal dit, nous n'avons envoyé de prophète illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahum. Nous n'avons envoyé de prophète qu'avec la langue de son peuple pour qu'il leur explique. Pour qu'il leur explique. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بلسان قومه ويتكلم بلغتهم يخاطبهم بما يعرفون ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل والتراكيب التي هي موجودة في لغتهم فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله. Donc Charfozan dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, le prophète est envoyé avec la langue de son peuple, il parle leur langue et s'adresse à eux de ce qu'ils connaissent. C'est pour cela que le professeur sallam s'est adressé à son peuple avec le Coran, qui est composé de lettres, de mots et de phrases en langue arabe. Et ces phrases sont tournées d'une façon qui leur est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce qui leur a empêché d'apporter une sourate similaire ? Qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui leur empêcherait d'apporter une sourate similaire, vu qu'ils connaissent parfaitement cette langue. الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز لأنه كلام الله ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله. Ce qui les a empêchés, c'est que ce Coran est un miracle. C'est la parole d'Allah et personne ne peut apporter une parole similaire à celle d'Allah. لِأَنَّ كَلَامَهُ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ وَعَلَى وَصِفَاتُهُ لَا يُشْبِهُهَا صِفَاتُ خَلْقِهِ. Car la parole d'Allah fait partie de ses attributs et les attributs d'Allah sont différents des attributs de ses créatures. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. فلا يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه وكلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق جل وعلا فدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا. Il est donc impossible à une créature d'apporter une parole similaire à celle du Créateur. Et ceci prouve que le Coran est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout cela, il n'est que transmetteur. Il ne transmet que le message de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. Et l'imam al-Qudam al-Maqdisi a dit, et Allah Azza wa Jalla a dit, et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le. Et Allah Azza wa Jal a dit à son professeur Assalam, dit, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Allah Azza wa Jal a donc attesté que le Coran était des versets qui étaient récités sur les polythéistes. قال الشيخ الفوزان وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آياتنا يعني آيات القرآن بينات واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات ليس فيها لبس ولا غموض قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدل يقولون نريد غير القرآن هذا ائت لنا غيره ونسل ونسلم ونؤمن إذا جئت لنا بغير هذا القرآن نحن على استعداد أن نسلم لأنهم يظنون أن هذا القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا مبلغ فقط أما الذي يبدله وينسخ منه ما يشاء هو الله جل وعلا الذي تكلم به إن أتبع إلا ما يوحى إلي أنا مجرد مبلغ متبع وواسطة بينكم وبين الله في تبليغ رسالته قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين رحمك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في القرآن وإنما يبلغه كما جاء من عند الله سبحانه والرسول مهمته أنه يبلغ الرسالة. مكشف زندي حفظ الله من أفراد الله عز وجل. Et lorsque, et quand leur sont récités nos versets clairs, en toute clarté, nos versets ou nos signes, c'est-à-dire les versets du Coran. Bayinat, en toute clarté, c'est-à-dire qui sont, dont les mots sont clairs, dont les sens sont clairs, il n'y a pas d'ambiguïté, ni de confusion. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Ils disent, puis disent ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en la résurrection, ceux qui ne croient pas au jugement. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ait bi-Qur'an in ghayri hada aw badil » Apporte-nous un Coran différent de celui-ci, ou bien change-le. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Nous voulons un autre Coran. Apporte-nous un Coran différent. » Et nous embrasserons l'islam et nous croirons en toi. Si tu nous apportes un Coran différent, alors nous sommes prêts à nous convertir. Car ils pensaient que le Coran était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dit, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Car je suis un envoyé. Quant à celui qui le change, quant à celui qui abroge le Coran ou qui en abroge des versets, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a prononcé ce Coran. Et le professeur Hassan a dit, « In attabi'u illa ma yuha ilay. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé, car je suis un prophète qui suit et qui suit un intermédiaire entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. » Puis Allah azza wa jalla dit dans la fin du verset, « Inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le professeur, Allah azza wa jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, « Il ne m'appartient pas de le modifier dans mon propre chef, je ne suis que ce qui m'a été révélé, et j'ai peur, si je désobéis à mon Seigneur, du châtiment d'un jour terrible. » Pourquoi C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai peur si je désobéis à Allah du châtiment d'un jour terrible. Pourquoi ? Hein ? Hassan, parce qu'Allah Azzawajal l'a prévu dans un autre verset. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait modifié ou avait pris l'initiative de changer le Coran pour le modifier ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait châtié. Et Allah Azzawajal a dit cela dans le Coran, dans Surat Al-Haqqa, les versets 44 à 46, où Allah Azzawajal dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous aurait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit des paroles qui ne sont pas les paroles d'Allah et qu'il aurait attribuées à Allah, Allah Azzawajal dit, nous l'aurions pris par la main droite et ensuite nous lui aurions tranché la horte. Qu'est-ce que la horte ? C'est la veine de la vie. Nous lui aurons tranché la horte. Allah Azzawajal aurait tranché la horte de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam s'il s'était avancé à modifier le Coran ou à attribuer des paroles qui ne sont pas à Allah, attribuer des paroles à Allah qui ne sont pas les siennes. C'est quoi la parole en arabe ? Wa law taqawwala alayna ba'd al-aqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم بأحد عنه حاجزين. Et Allah Azzawajal dit ensuite, et personne d'entre vous ne pourrait empêcher cela. Personne parmi les êtres humains ne pourrait empêcher Allah Azzawajal de trancher la horte de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam s'il avait menti à son sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intervient pas dans le Coran. Il le transmet comme Allah Azzawajal lui a révélé, car c'est le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de transmettre uniquement. ثم قال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 40 سنة قبل البعثة يعيش معهم ويعرفونه ولا يعرفون أنه تعلم ولا أنه سافر وتعلم في بلاد أخرى بل كان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام يعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام عاش بينهم 40 سنة وما تحدث إليهم بشيء من هذا القرآن ولما أراد الله أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء فما الذي جعلني 40 سنة لا أتكلم بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا بعد أن أنزله الله جل وعلا. في الله عز وجل دين كما قال الشيخ فوزان دي si Allah l'avait voulu je ne l'aurais pas récité devant vous et je ne vous l'aurais pas enseigné. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ car j'étais parmi vous un certain temps, ne raisonnez-vous pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 40 années avant sa prophétie. Il vivait avec eux, c'est-à-dire avec les polythéistes. Il le connaissait et savait. Et il le connaissait et savait très bien que le prophète sallam n'apprenait pas, qu'il ne voyageait pas et qu'il n'a pas appris dans d'autres pays, car il était présent avec eux à la Mecque sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait sa loyauté, il connaissait son comportement, il a vécu avec eux 40 années et durant ces 40 années il ne leur a jamais parlé du Coran. Et ce n'est que lorsqu'Allah Azzawajal a voulu que cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit envoyé, il a révélé sur lui ce Coran, qu'il a transmis comme il lui a été révélé. Y a-t-il une autre explication ? Une personne qui vit 40 années au sein de son peuple, qui ne parle pas du Coran, ne serait-ce qu'une seule fois, et au bout de 40 années parle du Coran. Y a-t-il une autre explication à part le fait que ce Coran lui a été révélé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de la mission de le transmettre à l'ensemble de l'humanité. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.